Un drame dans la haie par Louis Pergaud. La grande haie de la Combe était morne depuis des jours et des jours. Nul chant, nul pépiment, nul froufrou d'elle n'émouvait avec le sang des aurores ses loges de verdure, ses corridors feuillus, ces terrasses suspendues ou flottantes que parfumaient comme tous les ans les mêmes fleurs du bel été. Il en était ainsi depuis de longs soleils déjà, et le petit peuple ailé qui avait voulu cet isolement et réalisé cet abandon savait qu'il en serait aussi, qu'il en serait ainsi longtemps encore. L'hiver seul, en coupant de ses ciseaux de gel les frondaisons maudites, pouvait exorciser le charme maléfique planant sur cette solitude et endormir et abolir les ressouvenances au cœur des oiseaux. La grande haie était muette. Le petit peuple s'était tu et avait émigré. Et pourtant, quel printemps riche de concerts elle avait eu. Un printemps de chansons à rendre jaloux les lourds massifs de la Combe et les vieilles assemblées de pommiers et des vergers. Seul, dans les rez-de-chaussée et les sous-sols humides, les citoyens silencieux de la grande cité continuaient leur vie comme devant. Insoucieux, semblait-il, de l'exode brusque de leurs rapides et bruyants petits voisins des étages supérieurs. Successivement, au fur et à mesure que les petits étaient devenus forts et avaient commencé à se confier pour un vol très court à leurs faibles ailes, les nidées, jour par jour, une à une, avaient fui vers les enclos des vergers proches ou les berceaux feuillus des arbres hospitaliers. Les familles de mésanges et de fauvettes, celles du chardonneret, du pommier sauvage et jusqu'à la nitée du petit troglodyte, du gros tronc pourri s'écaillant sous les mousses, toutes avaient fui épouvantées de l'assassinat commis par Maubec, la pigrièche. Horrifiée par la vue de la petite victime déchiquetée et saignante à son poteau d'épines. C'était pourtant une cité tranquille que la grande haie. Les éperviers et les buses ne s'y aventuraient plus guère depuis le jour où l'homme ami, porteur du fusil, ce tonnerre éclatant et terrible, avait fait siffler la colère de ses plombs par les éclaircies de rameaux, hachant les branches et perçant les feuilles. Des gîtes sombres où ils s'étaient tapis, les passereaux étonnés avaient vu la vieille buse chasseresse au bec féroce, dont les incursions barbares semaient le deuil dans leur canton, plongeait tout à coup en avant la tête sans force et les pattes mortes. Et les premiers voisins, dont tout le corps n'était que frisson, l'avaient vu inerte, l'œil trouble, se laisser saisir par la main puissante du terrible allié et disparaître dans les profondeurs mystérieuses d'un sac s'ouvrant comme une gueule. Nul n'était à l'abri de ses coups, pas plus Piétor le lézard que Rana la grenouille, ou que Froid vif, l'orvée timide et fragile, qui fuyait devant la fourche et le râteau des faneurs, en profitant des tunnels de mousse fraîche et le vent humide des andins mal écartés. Mais elle était morte vraiment, et depuis cette vesprée tiède de fin d'hiver, la grande haie avait joui de son renom de sécurité, et ses habitants avaient vécu dans la quiétude, leurs journées de travail et de chansons qui se suivaient monotonement comme les maillons d'une chaîne de joie. C'était un matin de juin. La haie froufroutante et joyeuse était sortie de son sommeil léger avec le frisson de la brise matinale qui essuyait de son écharpe odorante et tiède les perles du brouillard de la nuit d'été. Les pinsons, dans les arbres du village ou au taillis des lisières, chantaient déjà à plein gosier quand la lumière levante dessina de sa main de blancheur les ondulations gracieuses de l'océan d'herbage des prairies. Les crapauds éteignaient dans leur gorge les veilleuses de cristal de leurs chansons, et le concert des grenouilles vertes dans la mare de la Combe s'arrêtait et reprenait pour s'arrêter encore selon le caprice des chanteuses à robe verte, dont les yeux innocents, dans leurs cernes d'or, adoraient le soleil levant. une à une, par petits sauts qui faisaient des ravages dans les baliveaux herbus des flouves et tremblaient comme des feuilles de bouleau les grelots des brises, les grosses grenouilles rousses rentraient dans leur sous-sol d'été, dans leur loge fraîche, après avoir chassé toute la nuit les limaces et les chenilles. Écartant les grandes feuilles raides, elles se glissaient par d'étroites coulées, de secrets corridors jusque sous les souches séculaires de la vieille haie, et abritées sous des toitures légères et fraîches de feuilles. Parmi l'humidité propice de la terre, elles digéraient en paix et se reposaient des fatigues de la nuit. Les lézards et les orvées, eux, sortaient lentement. Engourdis encore de rosée et la tête levée, interrogeaient la lumière et humaient l'air pour juger du beau jour qui leur était accordé. De petites musaraignes agitaient des crépitements légers et comme feutraient les branchettes de leurs trous. La vipère mal-dent déroulait ses anneaux au soleil au fur et à mesure que les rayons chauds glissaient sous sa chemise oscillée. Le frétillement de son fouet devenait plus vif et plus souple comme une chaîne rouillée dont les maillons, par degrés, s'imbibent d'une graisse lubrifiante. Dans les étages supérieurs, secs et chauds, dans les alcôves de feuillage, sous les poutrelles vivantes des rameaux, la vie s'agitait et grouillait, les nids s'éveillaient. Les mâles, perchés devant la couche de la famille que la mère couvrait de ses ailes étendues, chantaient leur hymne à l'aurore, se secouaient de la rosée nocturne, lissaient leurs plumes, s'épouillaient, se répondaient, voletaient, sautillant ou planant, joyeux du jour revenu et de la chaleur vivifiante. Bientôt, sous les ailes engourdies, les petits réveillés pépiotèrent aussi, jetant leurs notes monotones et criardes, leur chant unique, le cri de faim, et comme le premier rayon chaud tombé sur ses ailes mouillées, siffle clair, la mère fauvette se soulevait de son nid et rejoignait son mâle sur la branche fléchissante où il faisait sa toilette matinale. Un instant, leurs pépiments se mêlèrent en un gazouillis tendre, puis le père, paré pour le jour et pour la chasse, s'enleva en l'air et partit d'un vol rapide et droit vers les buissons bas de la plaine et par les taillis d'herbages non fauchés encore pour y commencer sa chasse de moucherons et de chenilles. La femelle, à son tour, après avoir bien regardé son nid, se mit à chasser dans les rameaux des environs et sur les gazons proches, apeurée encore du noir et de la nuit, et craignant de laisser sa nidée impuissante sous la seule protection du soleil, de sa lumière et de sa chaleur. Peu à peu, rassurée, elle élargit le cercle de son canton, soucieuse de donner aux petits la pâture qu'ils réclamaient sans cesse. Tour à tour, à tire-d'aile, rasant les buissons ou le sol pour se dissimuler quand un danger ou une surprise était à craindre, ils arrivaient à leurs buissons verts et chevelés de feuilles frissonnantes. S'enlevaient ou plongeaient selon leur position, planaient un instant sur la famille piaillante et distribuaient ensuite dans ses becs larges ouverts ces petits entonnoirs jaunes palpitants étendus vers le froufroutement de leur vol, la gibecière de chenilles, de mouches et de vermisseaux conquis à coups de bec parmi les cantons giboyeux de la plaine. Et puis ils repartaient aussitôt, car les jabots des petits sont aussi vidés que remplis, et les goésiers voraces réclament continuellement. Ainsi, toute la matinée, dans la grande haie, sous le soleil qui rapetissait et semblait dévorer peu à peu l'ombre des arbres, ce ne fut que pépiments, rappels et chasses et chants de fête. Puis midi versa brutalement dans le calme plat ses cascades de chaleur, et le silence lentement s'empara de la grande haie, assommée, engourdie, immobile sous les ondes d'air vibrantes qui couraient tout le long de son arête verte, comme une bande d'un feu ardent presque invisible et muet. Les oiseaux, accablés, dormaient sous leurs rameaux. Les grenouilles des sous-sols se terraient plus profondément. Maledent, ivre, savourait ce bain voluptueux. et les lézards des vieilles souches, aventurés par la plaine, semblaient noyés dans la verdure. Enfin, la vie reprit avec le premier frisson des feuilles, et des chants de nouveau s'élevèrent, et des essors et des envols animèrent les étages feuillus de cette grande caserne verte. Tous les oiseaux, rassurés et gais maintenant, sous la protection du soleil, s'en allaient au loin donner la chasse aux chenilles, et, sitôt débarrassés de leur gibier, repartaient de plus en plus belles. Et nul, parmi tous ces chasseurs intrépides, préoccupés de la pâtée quotidienne, n'avait vu, volant d'arbre en arbre, de buisson en buisson, rasant le sol dans les endroits découverts, Maubec, la pie-grièche, la vagabonde, la rôdeuse du canton, en quête d'assassinat et de mauvais coups, les yeux toujours vagués, le bec mauvais, le col inquiet qui se rapprochait de leur cité. La maraudeuse, ce matin-là, n'avait trouvé encore que des vermisseaux et des mouches, et son gésier gourmand de mangeuse de chair réclamait quelque nourriture plus substantielle. Aussi rôdait-elle de ci de là par les arbres et les buissons, cherchant dans les berceaux de feuilles, dans les vertes alcôves, derrière les abris des fourches, les palissades de rameaux, quelques nidées à attaquer. Dans l'intérieur de la grande haie, silencieuse et abritée, elle sautait d'avant en arrière, de droite à gauche, louchant à haut, guignant de côté, lorgnant en bas, cherchant aventure, se défiant de Maledent la Rouge et de ses cousines les grandes couleuvres, qui la fixaient étrangement de leurs yeux sans paupières en sifflant des airs monotones. Un pépiment indiscret dans les rameaux supérieurs de l'aubépine dans laquelle elle était lui fit lever la tête, et sautillante, le cou tendu, les yeux brillants de convoitise, écrasés sur ses pattes pour ne pas être vue, elle découvrit la boule grise du nid de siffle clair et bondit jusqu'à son niveau. Les quatre petits becs tendres, jaunes encore, s'ouvraient larges comme de grands compas dans l'attente de la pâture, et le duvet naissant frissonnait sur leur grosse tête comme une chevelure rare d'enfantelée. Et les petits croupions s'agitaient aussi, et tout le corps vibrait dans l'attente de l'émotion unique, la proie de chenilles et de mouches tombant dans le gouffre du bec. Maubec, perché sur une branche de la fourche du nid, scruta les environs de son œil traître et inquiet. Puis, avec une sûreté de rôdeur assassin qui n'en est pas à son coup d'essai, elle choisit parmi la nidée celui des petits dont elle pourrait le plus facilement faire sa victime. Une grande épine dure et pointue hérissait sur la branche du couchant son dard affilé. C'est là qu'elle ferait son charnier. L'épine serait le croc où la bouchère de la combe déchirerait sa proie, et aussitôt, sans hésitation aucune, ni crainte, tout au désir de tuer et de se repaître, sautant dans le nid, piétinant les autres oisillons, elle se campa solidement pour amener sa victime au bord de l'abîme et la suspendre ensuite au poteau d'exécution. Du bec et du cou, malgré les piaillements de douleur de toute la famille bouleversée, elle pousse et se crispe, le col et les pattes raidies, piétinant les autres, et les blessant de ses griffes pointues, et amène le chétif oiselé au bord de la margelle du nid, sur la branche de la fourche qu'elle veut utiliser. Mais l'épine est trop haute et domine la maisonnée. Qu'importe, la mégère des haies sait s'y prendre. Dans son bec puissant et crochu, les muscles serrés, les pattes crispées, toutes les plumes hérissées dans l'effort, elle soulève par le col tendre et frêle le petit corps presque inerte et l'élève plus haut que le dur croc de bois où elle le fixera. Puis, au niveau du gésier, à l'endroit où la peau est plus molle encore, elle enfonce dans la broche terrible le cou de l'oiseau, perçant les chairs et la trachée pulmonaire, tandis qu'elle crie et se débat faiblement la petite victime, et que les autres petits frères, ignorants de ce qui s'est passé, piaillent éperdument dans le berceau bouleversé. Pendu à sa potence d'épines, l'oiselet blessé agite vainement encore ses pauvres ailerons sans plumes et ses pattes sans force, quand la bouchère sanglante, lui plantant dans le poitrail le croc dur de sa mandibule supérieure, lui perça le cœur, et l'œil aux aguets se mit à dépecer vivement sa victime. La femelle, à cet instant, arrivait à son nid, brusquement, le bec hérissé de chenilles, et elle vit ce spectacle. Un cri suraigu d'épouvante lui fit lâcher sa proie et appeler au secours de toute sa gorge en cris rauques et affolés, tandis que la maraudeuse assassine, sûre d'être la plus forte, la regardait méchamment de son œil faux et le bec en arrêt continuait à arracher des morceaux du poitrail ouvert de l'oiselet. Bientôt, au cri désespéré poussé par la fauvette, le mâle de siffle clair apparut lui aussi, et tous deux affolés, piaillant à pleine gorge, se mirent à tourner autour du groupe tragique, n'osant encore dans leur frayeur indescriptible attacher la détrousseuse de leur maison, ni venger leur géniture. Aux plaintes du couple victime, au signal d'appel et de douleur d'un des membres de la grande famille ailée, en butte aux attaques d'un ennemi, tous les passereaux de la haie, un à un ou par couple, arrivèrent à tire-d'aile, ainsi qu'aux heures angoissantes, où l'épervier menace de ses serres impitoyables, un isolé et perdu. Nulle fascination n'était à craindre avec celle-là, mais un affolement sans nom les prenait à voir le petit daim de leur tuer, déchiqueté et saignant, et le buisson du crime fut immédiatement entouré d'une quadruple haie de petits oiseaux voletants et piaillants, injuriant, menaçant ou se lamentant. Maubec, maintenant repu, commença à craindre une attaque d'ensemble du petit peuple ailé, s'exaspérant par degrés. Elle tourna avec inquiétude sa tête au zénith, où passait le vol d'un grand oiseau noir. C'était Tiesselin, le vieux corbeau, qui, attiré par ce manège étrange, venait se rendre compte de ce qui se passait, suspectant d'un nouvel assassinat son vieil ennemi le busard. Tout était à craindre avec Tiesselin. Brusquement, Maubec, s'élevant droit en l'air, s'évada du cercle des assiégeants, et sans perdre un instant, s'enfonça comme une flèche vers le nord, dans le bosquet de hêtres qui était son lieu de retraite et son séjour habituel. Tandis que les oiseaux de la haie, du roitelet à la mésange, et les pinsons du village et les rouges gorges de la forêt voisine, venaient voir et piailler, fous de douleur, de colère et de peur. Siffle clair dans son désarroi, aller du nid au cadavre, ouvrant des yeux ronds, crispant les pattes, les plumes de la tête hérissées, et puis, frémissante, tout d'un coup, elle se jeta éperdument sur son nid, et, sans plus rien dire, couvrit ses petits de ses ailes tremblantes, tandis que le mâle, haletant, voletait et tournoyait alentour du cadavre dépecé de la victime, pendu au-dessus du nid et dont le sang, en gouttelettes rouges, dégouttait encore devant le bec de la mer. Alors, comme si une pensée commune et un commun effroi eussent saisi simultanément les témoins de ce drame, tous les oisillons qui étaient accourus s'enfuirent aussitôt à tire-d'aile vers leur nid et se jetèrent éperdument sur les petits pour les couvrir et les protéger eux aussi. Lorsque le soleil tomba, ensanglantant l'horizon, pas un chant ne sortit de la grande haie, enseveli, emmuré dans le silence et dans l'horreur de cet assassinat. Et le lendemain, à l'aurore, pas un cri ni un pépiment n'émurent, les feuilles frissonnantes dans le vent, mais la famille de la mésange bleue du bout de la haie, qui commençait à sautiller sur les branches, s'enfuit pour ne plus revenir. Le surlendemain, le tarin chanteur du gros chêne emmena ses petits vers les pommiers des vergers, et le petit roitelet aussi s'en alla, et le chardonneret du pommier sauvage, et tous, un à un, partirent en silence. Et siffle clair, 8 jours après, et siffle clair, 8 jours après, elle aussi, avec ses 3 derniers enfants, dont les ailes fléchissantes commençaient à s'essayer, fila, fila aussi du lieu maudit, où le cadavre déchiqueté, pourrissant et rongé des mouches de son petit sans plumes, pendait toujours à son gibet solitaire et terrible.